production orale. Se présenter. Exercice 1. Bonjour, je m'appelle Pedro Ramirez. Je suis espagnol. J'ai 43 ans, je suis médecin et j'habite à Madrid. Mon niveau de français est A2. J'ai étudié le français pendant un an, mais j'ai arrêté depuis 6 mois. J'aimerais faire un cours intensif d'un mois pour me perfectionner. Je parle aussi l'anglais. Je ne suis jamais venu dans votre école. Je l'ai connu par un ami qui a étudié chez vous l'année dernière. Je voudrais une chambre chez l'habitant pour pouvoir pratiquer le français après les cours. Je suis allergique aux chats et je ne supporte pas du tout la fumée car je suis non-fumeur. Sinon, je n'ai pas de problème de santé particulier.